Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Moi, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18, comme le chantait Brassens, une guerre qui est une suite de catastrophes, une génération tout entière, transformée en chair à canon, un Super Fail à l'échelle de l'Europe. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, ils vont reprendre les tranchées. Là, leur place est si utile que sans eux, on prend la pile. Mais c'est bien fini, ils en ont assez, personne ne va plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, ils disent adieu au sibelot. Même sans tambour, même sans trompette, ils s'en vont là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Carone, sur le plateau, qu'ils vont laisser leur peau. Car ils sont tous condamnés, ce sont les sacrifiés. Un extrait de la chanson de Craon, interprétée par Ginette Garcin, la chanson de Craon. Michel Goya, bonjour. Bonjour. Elle incarne, en quelque sorte, cet épisode tellement triste que fut la guerre de 14-18. Dans Super Fail, on a l'habitude d'analyser les catastrophes, les désastres. Et s'en est un, la guerre de 14-18. Et à l'intérieur de ce désastre, il y en a un qui a particulièrement frappé l'imagination française. Et ce désastre, c'est celui de l'offensive dite Nivelle. Il faut tout d'abord rappeler en quoi elle consiste. Bien, l'offensive Nivelle, du nom du général qui commande les armées françaises à ce moment-là, c'est une grande attaque qui est lancée entre Reims et Soissons, et plus particulièrement sur le plateau du Chemin des Dames, et dont l'objectif est de percer les lignes allemandes, et on espère à ce moment-là qu'en perçant ces lignes allemandes, on va faire s'effondrer le front et qu'on obtiendra une victoire décisive. Et alors, cette offensive, donc, elle prend place sur ce plateau, le plateau du Chemin des Dames. Elle intervient entre le 16 avril et le 24 octobre 1917, Michel Goya. En quoi consiste-t-elle? Combien de forces sont en présence? Et pourquoi décide-t-on de la lancer à ce moment-là? Bien, on décide, l'idée, si vous voulez, le plan d'opération, c'est de lancer en réalité deux attaques, une attaque britannique en Picardie et puis une attaque française en Champagne, et en espérant dans les deux cas percer et se faire se rejoindre un peu ces deux attaques, et dans ce cas-là, on fera s'effondrer complètement le front allemand et on espère obtenir la victoire. Donc, on va consacrer du côté français des moyens considérables, presque 1 million d'hommes, la moitié des unités de combat. 1 million d'hommes. Pratiquement, vous voyez, sur toutes les 4 armées françaises qui sont réunies dans ce secteur. C'est incroyable. Canons, oui. Il y avait combien d'hommes à l'époque dans l'armée française? Bah, vous avez sur la ligne, dans les unités de combat, vous avez à peu près 2 millions et demi de soldats. Donc la moitié de l'armée française, oui, ou presque, était au Chemin des Dames. Oui, vous avez 5000 canons, enfin, vous avez les premiers chars qui sont là pour la première fois. Enfin, on concentre des moyens considérables. Et on espère effectivement, et c'est là un des éléments du problème, on a un grand espoir à ce moment-là qu'on va réussir quelque chose de considérable après avoir longtemps échoué à percer ces lignes allemandes. C'est un problème que l'on a depuis qu'elles sont apparues véritablement, donc fin 1914. Et c'est très compliqué, c'est très difficile. Hein. Vous avez des positions retranchées, on appelle ça une position, des lignes de tranchées qui sont organisées, et puis quelques kilomètres derrière, vous avez à nouveau des lignes de tranchées qui forment une deuxième position, encore plus loin, puis une troisième. Donc c'est très compliqué. Et depuis 1915, on bute sur ce problème. Comment on arrive à vaincre dans ces conditions et comment on arrive à traverser tout ça, quoi. C'est ça le problème. Et on n'y arrive pas. On échoue déjà en Champagne en 1915. On échoue sur la Somme en 1916 avec d'autres méthodes. Et puis à la fin de 1916, vous avez le général qui est Nivelle, qui commande à ce moment-là Verdun, qui gagne. C'est le vainqueur de Verdun. Nivelle, c'est quelqu'un... Super Pétain. Pétain et commande jusqu'au mois d'avril. Et puis ensuite, c'est Nivelle qui prend le... Et Nivelle a un peu été effacé de l'histoire de Verdun, mais c'est quand même lui qui au bout du compte, gagne cette bataille. Et ce qui va suivre n'est pas indifférent au fait qu'il soit effacé. Bien sûr, bien sûr. Et Nivelle est aussi un grand communicant et il arrive à persuader un peu le gouvernement que ce qu'il a appliqué à Verdun, les méthodes qu'il va appliquer, il peut les appliquer en beaucoup plus grand en Champagne et que là, il a la formule. Il a la formule un peu magique qui va permettre de gagner la guerre et on y croit. Cette formule, elle consiste en quoi, s'il fallait la résumer, Michel Goyard? Eh bien, s'il faut la résumer, c'est simple. C'est de dire, écoutez, voilà, maintenant, ce que dit Nivelle, c'est qu'on a des moyens modernes. On a beaucoup plus de canons qu'avant, des canons modernes en particulier. Et avec tous ces canons, on va écraser les lignes de défense allemandes avec des millions d'obus. Et puis ensuite, derrière, on va monter un assaut bien organisé avec une méthode qu'on maîtrise parfaitement, qui est celle du barrage roulant. Barrage roulant, ce sont des obus qui sont des lignes d'obus qui sont devant les fantassins qui attaquent et qui font un bond de 100 mètres. Toutes les 3 minutes. Et donc ces obus, ils cachent déjà un peu les fantassins qui attaquent. Et puis surtout, lorsqu'ils arrivent sur les positions allemandes, ils neutralisent les positions allemandes. Les soldats allemands sont obligés de se cacher, de mettre aux abris. Et si les fantassins arrivent juste derrière, ils peuvent s'emparer relativement facilement des tranchées. Donc ça, c'est Nivelle est un artilleur. Hein. Il maîtrise parfaitement tous ces éléments. Alors c'est titanesque, parce que vous avez 1 million d'hommes. Donc s'il faut faire avancer des obus, oui. Ça veut dire qu'il y a combien de pièces d'artillerie? Vous avez 5000 pièces d'artillerie qui sont rassemblées et on va lancer plusieurs millions d'obus sur les Allemands. Ce sont les échelles des batailles de l'époque. Et tout ceci est emmené sur le front parce que ça doit supposer des trésors en matière de logistique. Bien sûr, bien sûr. C'est absolument colossal. Donc ça demande aussi du temps, ça demande beaucoup d'organisation. Mais ça aussi un inconvénient, c'est que ça laisse peu de place, notamment à la surprise. C'est-à-dire que les Allemands voient aussi arriver tous ces canons, il faut les régler, il faut faire des réglages de tir, etc. Donc ils voient tous ces préparatifs. Et en même temps, Nivelle n'est pas très discret sur la préparation de la bataille. Donc les Allemands sont au courant de ce qui va se passer, ce qui va être un des éléments importants d'ailleurs de l'échec. Quelles sont les autres forces en présence? On a parlé donc des soldats français. Les Allemands, les autres armées, combien sont-elles? Les Allemands ont beaucoup souffert pendant l'année 1916. Les deux grandes batailles de Verdun et de la Somme qui n'ont pas mené de résultats concrets. Ce sont des batailles titanesques avec des pertes considérables, et notamment des pertes aussi du côté allemand. Les Allemands ont beaucoup souffert, et à ce moment-là, ils sont en position un peu délicate, on va dire. Et Français et Britanniques sont en position de force. On a plus de divisions d'infanterie, c'est l'unité un peu de compte. On a beaucoup plus de moyens à ce moment-là. Et donc, face aux Français, vous avez sensiblement deux fois moins d'hommes, mais bien organisés sur des lignes qui sont préparées depuis des années, qui sont très fortifiées. Ils ont adapté leur méthode de défense. Je parlais des différentes positions. Ils sont reportés la position de défense principale. Elle est derrière, elle est sur la deuxième position, celle qui est plus difficilement attaquable, celle qu'on peut moins frapper. Donc, ils ont complètement réorganisé tout leur dispositif, qui est un dispositif extrêmement dense. Et les Français sous-estime cette puissance. Et oui, et alors donc ensuite, lorsque l'attaque est lancée en février, c'est une bonne date, février ? L'attaque est lancée en avril. Alors au départ, les plans initiaux étaient beaucoup, beaucoup plus tôt, puis les Allemands en fait se sont repliés, ont surpris un peu les Alliés en se repliant en partie pour s'installer sur des positions bien préparées, qui étaient bien adaptées au terrain, encore plus solides. Et donc on est obligé de reporter l'attaque au mois d'avril. Puis ce sont des choses, on l'a dit, qui sont tellement lourdes, tellement compliqué à mettre en œuvre qu'on peut pas non plus, on peut pas les, difficile de les reporter ou de les annuler. Donc une fois que c'est préparé, à un moment il faut y aller et on lance l'offensive. Alors d'abord une première attaque britannique en Picardie, dans la région de la crête de Vimy, et puis ensuite à partir du 12 avril on commence la préparation d'artillerie. Ça c'est un élément important, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours on va bombarder les lignes allemandes et ça se passe pas Bien. Les attaques de l'époque, les batailles de l'époque sont très dépendantes de la météo. En grande partie parce qu'il faut de l'artillerie, et l'artillerie, elle est réglée par. Les tirs sont observés et réglés par des avions. La moitié des avions qui sont dans le ciel servent à régler des canons. Et s'il pleut, ce qui est le cas, au mois d'avril, il pleut beaucoup, eh bien, les avions ne sont pas en l'air, ont beaucoup plus de difficultés à régler, donc l'artillerie tire mal. Et donc, c'est 4 jours de préparation d'artillerie, donc 4 jours, on balance plusieurs millions d'obus, ce qui, encore une fois, réduit complètement l'idée de surprise. Donc, les Allemands savent parfaitement où on va attaquer. Mais surtout, c'est pour dire simplement, ces canons tirent mal. La préparation d'artillerie, qui est essentielle, c'est une des conditions du succès, ça passe pas bien. Les canons sous la pluie, ça tire très mal. En plus, le terrain devient boueux, donc les obus, ils s'enfoncent, c'est moins d'efficacité. Donc, la préparation d'artillerie, pour dire simplement, est ratée. Et là, à partir du moment où cette condition est ratée, l'assaut lui-même qui va suivre, il va devenir beaucoup plus compliqué. Cet assaut, il se fait aussi sous la pluie, il fait très froid, il neige même à ce moment-là. Et donc, on a des soldats qui vont monter à l'assaut sous la pluie, dans la boue, sur le plateau du chemin des Dames. Il faut escalader, même si c'est pas forcément très haut, mais il faut escalader. Et très rapidement, on s'aperçoit que en réalité, ça va pas bien se passer du tout. Le fameux barrage roulant que j'expliquais tout à l'heure, donc qui est une tactique importante, essentielle. Donc il faut suivre, il faut que les fantassins suivent ces obus qui avancent. S'ils n'arrivent pas à suivre, il y a une déconnexion et ils se retrouvent tout seuls. Et c'est ce qui se passe, quand ils n'arrivent pas à suivre, ça va trop lentement pour eux. Et très rapidement, l'attaque bute sur des défenses allemandes qui du coup n'ont pas été détruites, n'ont pas été neutralisées comme il fallait, et qui sont extrêmement dures. Et tout de suite, on s'aperçoit tout de suite que ça va être un échec. Et c'est un échec qui avec des pertes très importantes, très vite. Et c'est un échec qui est d'autant plus mal ressenti qu'on avait placé de grands espoirs dans cette bataille, ce qui a provoqué une grande dépression. Quand vous dites échec, donc très rapidement, selon vous, Michel Goya, les avions ne peuvent pas remplir leur rôle. Bref, toute la stratégie qui repose sur des tirs d'artillerie ne peut pas finalement être mise à exécution. Pourquoi ne renonce-t-on pas ? Alors là, oui, c'est un élément important. C'est-à-dire que Nivelle, avant de lancer l'opération, avait expliqué aux soldats, il y a une préparation. On explique très largement à tout le monde ce qu'on va faire, ce qui va aussi introduire des fuites et que ça va contribuer à ne pas avoir de surprises. Mais au moins tout le monde, il y a la volonté d'expliquer à tout le monde ce qu'on va faire, jusqu'au dernier des plus petits des soldats. Et en même temps, Nivelle dit, il y a deux erreurs psychologiques. La première, c'est d'avoir donné un grand espoir. La deuxième, c'est de dire, écoutez, on échoue, je ne vais pas m'obstiner. Je ne vais pas faire comme la bataille de la Somme qui a duré des mois. Pendant des mois, on s'est obstiné, finalement, c'est pour pas grand-chose et beaucoup de pertes. Et donc, Nivelle a dit, voilà, si ça ne marche pas, j'arrête. Bon, on arrête tout de suite, on arrête les frais. Et puis, en fait, l'erreur, c'est que il ne va pas arrêter. On va continuer pendant quelques jours. Il avait dit j'arrête au bout de 48 heures, et puis au bout de 48 heures, on continue, non seulement on continue, mais on force. Et ça va durer 4 jours. Là, il arrête, effectivement. Mais la grande erreur, c'est d'avoir recommencé quelques jours plus tard, le 4 mai. En grande partie parce que les Britanniques, eux, continuent. Ils disent, écoutez, nous on continue, on aimerait bien que vous, Français, vous me fassiez effort aussi sur les Allemands de votre côté. Et donc, et c'est la grande erreur, certainement, c'est d'avoir relancé l'attaque le 4 mai au même endroit, dans les mêmes conditions, avec des soldats qui sont... C'est-à-dire qu'ils vont refaire... On fait la même chose. Les mêmes causes produisant les mêmes... Sensiblement la même chose au même endroit. Michel Goya, on comprend bien l'enchaînement de causes en quelque sorte, mais il n'y a pas un homme qui se dit à ce moment-là que c'est tout simplement envoyer des gens à la mort ? Oui, il y en a plusieurs. Alors d'abord, il faut rappeler que ce plan, il a été mis en doute avant même d'être lancé. Vous avez plusieurs généraux comme Pétain qui ne sont pas d'accord. Et le 9 avril, une semaine avant l'attaque, Nivelle présente sa démission en disant, écoutez, si vous vous mettez en doute, moi je démissionne. Donc on dit, on va essayer quand même, tenter le coup d'une certaine façon. Mais donc, c'est un plan qui était déjà mis en doute très largement. Et puis surtout, au mois de mai, ce sont les soldats eux-mêmes qui sont devenus de vrais professionnels, qui savent maintenant ce qu'on leur demande, et qui disent, c'est pas possible, on va pas refaire la même chose. Alors qu'ils sont déjà bien découragés parce qu'ils ont vu par l'intensité des pertes en très peu de temps, ça c'est un c'est un peu un phénomène nouveau, donc ils sont assez choqués par ça, et quelques jours plus tard on leur dit voilà, vous allez refaire la même chose. Et donc là, à ce moment-là, beaucoup disent non, on va pas refaire la même chose, et c'est le début, à partir du 15 mai, à partir du mois de mai, c'est le début de ce qu'on appelle les mutineries, qui sont en réalité plus des grèves des soldats quasi professionnels qui disent non, on refuse de faire ce que vous nous demandez. Parce et que, alors D'abord, ça aboutit à... Donc on arrête l'offensive. Le 15 mai, Nivelle est remplacé, il est envoyé en Afrique du Nord, et il est remplacé par le général Pétain, qui est certainement, en réalité, celui qui a le mieux compris les conditions de la guerre à ce moment-là, et qui va arrêter les opérations dans le secteur, et qui va gérer ces mutineries jusqu'à la fin du mois de juin, et va reconstituer, d'une certaine façon, l'armée française pendant toute l'année 1917. Avec ce paradoxe, d'ailleurs, que l'année 1917, c'est l'année la moins meurtrière pour l'armée française. Parce qu'après cette offensive, justement, on arrête. En conclusion, Michel Goya, pourquoi cette offensive Nivelle, qui hélas n'est pas la seule offensive meurtrière de la guerre de 14? Ce n'est même pas la plus meurtrière, d'ailleurs. Pourquoi est-elle restée comme étant l'incarnation de l'erreur stratégique, de la bêtise de la guerre? Eh bien, c'est essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est, y a un énorme décalage entre les espoirs. On dit voilà, cette fois on va y aller, on va gagner, on met un dernier effort et on y va, avec des gens qui sont quand même déjà usés, fatigués de ces plusieurs années de guerre. On leur dit voilà, un dernier effort et on va gagner. Et puis en fait, le dernier effort, c'est un échec complet et on ne gagne pas du tout. Donc là, il y a une dépression morale considérable à ce moment-là. Et en plus, quand on leur demande de refaire, bon là, c'est la dépression est encore plus forte. Donc il y a un découragement complet d'une grande partie de notre armée. Merci beaucoup Michel Goya. Les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre. C'est l'un des livres que vous avez publié chez Talendier. Vous avez écrit toute une série de livres irremplaçables sur la stratégie et sur la guerre, et notamment Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, chez Texto en 2015. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Superfell a été gâché à la réalisation par Milena Hellig, piétiné par Daphné Abgral et saboté à la technique par Christophe Polano.